Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, qui ne sera pas un caprice de lecture comme les autres, car aujourd'hui nous allons partir en voyage sur l'île de Pulau Bidung avec Nguyen Tran pour son roman Le murmure des frangipaniers, sorti le 5 août 2024. Bonjour Nguyen. Bonjour ça. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Caprice de lecture pour ce beau voyage, qu'il soit géographique ou spirituel. J'ai envie de dire, j'ai eu la chance de vous découvrir, c'est ce que je disais hors antenne, lors d'une émission télé diffusée par France 3 Lorraine. Et là, je me dis comment ne pas l'inviter pour un numéro spécial de Caprice de lecture. Alors justement, ce roman nous emmène en Malaisie, dans un camp de réfugiés. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un choix particulier parce que c'est un livre, tout d'abord, un livre sur l'amour, oui. Hein, l'amour absolu. Pendant la phase de préparation de cette histoire, j'avais essayé de créer, si vous voulez, plein de personnages. Ouais. Et ça ne collait pas très très bien. Il y avait trop, c'était trop ? En fait, je partais du principe, si vous voulez, que l'amour absolu, si tant est que... qu'il existe, devait surgir des tensions de survie, des demandes, oui. D'envie, de désir très fort. Ouais. Donc il faudrait que les deux protagonistes soient dans des conditions assez extrêmes. Et les mêmes du coup. Voilà. Donc en fait, et puis j'ai quelques amis qui m'ont proposé pourquoi ne pas prendre une partie de mes histoires personnelles, qui ouais. était une histoire de réfugié. Oui. Pour installer cette histoire d'amour absolu. Donc, je trouvais l'idée était intéressante. Le fait que ce soit ancré dans qu'une partie donc du roman soit ancrée dans une partie de votre histoire personnelle, ça vous a peut-être aidé à mieux peut-être positionner vos personnages et leur donner l'intensité que vous souhaitiez. Oui, oui, tout à fait. Il y avait une partie parce que l'amour absolu touche énormément du chemin personnel, l'intériorisation, oui. la recherche, ce que je voulais démontrer dans oui. l'amour absolu, qui était vraiment une espèce de puissance transformatrice. Et puis transcendante. Et donc, enfin, voilà, moi, quand j'ai lu votre roman, je me dis mais ça nous transcende en fait. C'est voilà, au-dessus donc, de nous. Donc, en fait, l'idée de pouvoir le mettre dans un environnement, déjà, ça donne une espèce d'authenticité. Ouais. Hein. Et puis, l'île, c'est intéressant pour moi parce que l'île, c'est aussi une extraction de tout. Pour l'amour absolu, selon ma thèse, hein, ouais. Il y a, pour la construction de l'amour, on est, vous savez, souvent, on s'y perd dans l'approbation des uns des autres. S'extraire le couple dans un environnement, dans une espèce d'îlot personnel, c'est intéressant. Et puis, de montrer que, voilà, dans cet îlot, bah, on a une espèce de refus de l'approbation générale pour pouvoir construire véritablement l'histoire personnelle. D'accord. L'île me permet aussi de faire un parallélisme par la suite avec l'idée qu'en fait, dans la vie qu'on mène actuellement, oui. et l'amour actuel, en fait, on est tous dans une espèce d'îlot numérique. Hein? C'est vrai. Et l'île réelle, Pulau Bidung, oui. et l'île numérique, ça me permet de faire ce parallélisme intéressant. D'accord. Sur la réflexion sur l'amour général et l'amour dans mon cas. Parce que l'amour absolu, je me dis, il faut que les deux partenaires en aient envie et vivent cette même expérience d'amour absolu. Est-ce qu'il n'y en a pas toujours un ? Moi, c'est intéressant ce que vous expliquez, parce que je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas toujours un dans un couple ? Qui aime plus fort que l'autre. Ça m'a toujours intriguée, vous voyez. Je me dis, des fois, je regarde des jeunes couples qui se baladent dans la rue, ou des couples même plus âgés qui sont... On a l'impression qu'ils sont complices comme au premier jour. Je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, mais est-ce que dans une relation comme celle-là, sans connaître, bien sûr, le vécu de ces personnes-là, est-ce qu'il n'y en a pas toujours une qui aime un peu plus fort que l'autre ? Alors, c'est très intéressant. Cette question est très, très intéressante quand on essaye de comparer et expliquer. Ouais. En revanche, moi, personnellement, je pense que dans l'amour absolu réel, il y a un effet de recherche personnelle. C'est-à-dire, d'accord, en fait, dans l'amour absolu, on donne déjà... En fait, l'amour, c'est pas une, simplement une espèce de sentiment de sécurité. Hein. On cherche une... Réconfort, oui. Voilà. Non, l'amour absolu, pour moi en tout cas, ouais, dans un premier temps, pour que cet amour devienne fort et persiste, c'est un vrai travail sur soi. Okay. Ça veut dire que dans ce cadre-là, travail sur soi, on n'a pas de comparaison. Exact. On n'a pas à demander est-ce que je donne plus ou je donne moins, je m'en fous. Je donne tout ce que j'ai à donner. Parce que je donne le meilleur de moi. Absolument, parce que quand on dit l'amour qui donne plus, qui donne moins, c'est qu'on donne à l'amour un prix. Ouais. Et qu'on donne à l'amour un objectif, une finalité. Or, en fait, dans l'amour absolu, dans l'amour, ce que je prétends, oui, c'est qu'on aime pour apprendre à aimer. C'est joli, ça. Voilà, on c'est aime chouette. Pour apprendre à aimer. Donc, en fait, c'est à partir du moment qu'on a compris qu'on aime vraiment pour apprendre à aimer, on est dans une espèce d'envie perpétuelle d'apprendre. Exact. On n'a pas à s'arrêter de dire j'en ai fait plus que toi. Exact. Etc. J'ai toujours quelque chose à apprendre dans ce chemin. Donc, ça m'intéresse plutôt comme ça. C'est super chouette. C'est très beau. Je pense qu'il faudrait presque le diffuser sur toutes les ondes mondiales. Je pense qu'il y aurait un peu plus de paix dans le monde, dans votre théorie d'amour absolu. Bah, peut-être. Oui, ce serait chouette. Je vous espérais. Alors, justement, votre écriture, moi, je trouvais d'une très grande sensibilité. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'accompagnement musical. Oui. Alors, parce que c'est un livre très original pour les auditeurs qui auront envie de découvrir ce livre après. Vous avez écrit ce livre, mais également composé la musique qui va avec. J'aimerais bien que vous nous... Moi, je ne me sens pas assez légitime pour parler de cette musique que vous avez créée et de l'histoire de cette musique. Donc, j'ai très envie que ce soit vous qui soyez le porte-parole de cette création. C'est vrai. Depuis très longtemps, en fait, j'avais envie de créer... Enfin, de faire quelque chose qui touche tous les sens. Donc, il y a l'écriture, oui, et puisque c'est un domaine, on rentre dans un domaine très sensuel, oui, à l'amour, etc. J'aime cette sensualité-là, les odeurs, le toucher, les caresses, vous voyez, tous les sens. Et à partir de là, j'avais envie, depuis très longtemps, de créer un tableau complet avec le son, les odeurs, avec tous les accompagnements possibles. Donc j'avais écrit ce livre et en pensant à des musiques. C'est comme un film où, ouais, je devais mettre déjà des morceaux de musique un petit peu partout. Dans votre tête, il y avait déjà des mélodies un petit peu qui se, oui, profilaient, oui, tout en à fait, écrivant. Tout à fait. D'accord. J'avais donc déjà l'idée de positionner dans certains chapitres clés des musiques particulières qui accompagnent, qui mettent en valeur ou qui prolongent un petit peu ce qu'on ne pouvait pas dire ou écrire et qui permet aussi... Et faire ressentir aussi au lecteur. Absolument, au lecteur. Et à partir de là, donc, j'avais imaginé ça. Ouais. Et c'est une. Je vous remercie de poser cette question parce que c'est une très belle histoire. Vous savez, ça fait. J'étais musicien il y a quelques années. Et puis, par une espèce de circonstance de la vie et puis la lucidité qui me fait comprendre que la musique ne me fait pas vivre. Et c'est comme ça qu'on s'est séparé avec mon groupe à l'époque. Oui. J'avais au lycée un groupe qui s'appelait, mes amis reconnaîtront, Les Étoiles Filantes. On n'aurait pas dû appeler comme ça parce que ça filait tellement vite. Il aurait peut-être fallu s'arrêter à Les Étoiles. Voilà, et donc, en anglais, ça s'appelle The Shooting Star. Donc, c'est pas bon non plus. Et donc, on s'est séparés. Et puis, j'ai plus de groupe. Je jouais de temps en temps avec, ouais, mes amis, etc. Et quand j'ai terminé mon livre et que j'avais déjà tous les morceaux de musique, j'ai trouvé des amis, des vrais musiciens. C'est une bande de musiciens qui est très connue à Nancy, les uns, les autres. Et puis, il y en a aussi à Paris. Et j'ai présenté, en fait, l'idée d'enregistrer, et je leur ai dit que j'avais que quelques jours pour le faire. Ah oui, en plus, c'est un vrai défi. Un vrai défi. Ah oui, d'accord. Pour tout et pour tout, on avait 6 demi-journées pour le faire. Ah, il ne se fait pas beaucoup, hein. Et ils ont été d'accord. Et vous voyez, je donne. Ah, ils vous ont suivi, c'est chouette. Oui, tout à fait. C'est génial. Le guitariste qui jouait pour des grands groupes, il jouait aussi, vous savez, pour des grandes personnalités. D'accord. De Paris, il descendait une demi-journée pour. Pour enregistrer. Enregistrer. J'avais envoyé des petits morceaux un peu à gauche, à droite, et tout le monde s'est mis ensemble. Et ils avaient compris la. Alors j'allais dire la philosophie, c'est peut-être pas le bon mot, mais l'esprit. Oui. Que vous vouliez donner, en fait, au roman avec les musiques. Vous savez, on se dit que la vie est faite de rencontres, et là, c'est vraiment des rencontres fantastiques. J'ai rencontré des gens avec la même résonance. Génial. La et même... généreux, en plus, parce qu'ils se mettent à votre service, ils vous aident dans un délai très court. Il y a le talent et surtout la générosité. Mais je crois que vous avez reçu ce que vous donnez, peut-être, je pense. Peut-être, parce qu'à un moment donné, je crois à la synchronicité dans la vie. Et quand on a des vibrations très fortes, on rencontre des gens qui ont la même vibration. Et donc, je me permets de les citer quand même. Oui, allez-y, bien sûr. Il y a Jean-Michel Weck, il y a Jean-Michel que vous connaissez. Jean-Pierre Villemain, vous savez, Dominique Molland. Voilà. Et puis Jean-Claude Rapin, qui est un très grand guitariste que tout le monde connaît. Voilà. Super, bah, c'est bien déjà de les citer. Et puis, alors en tant que lectrice, déjà les remercier d'avoir compris et d'avoir donné de leur temps pour vous permettre d'illustrer, je ne sais pas si c'est illustré, les mots de votre roman, je pense que c'est plutôt appuyé. Voilà. Vous voyez, ce que vous parliez de continuité et puis de sens, moi je pense que c'est plutôt appuyer ce que vous avez écrit. Oui. C'est vraiment chouette. Je dirais même de temps en temps transporter. Transporter, ok, très bien. On va faire une première coupure musicale justement avec un morceau. Il s'appelle alors Let My People Go. Ouais. Alors, ça c'est une musique très particulière parce que c'était ma toute première chanson que j'ai pu écrire. Ok. Que je décrivais la vie des réfugiés et c'est un cri sur la violence, le déracinement, etc. Et puis finalement, quelques années après, je me retrouve qu'elle est toujours d'actualité, malheureusement. Malheureusement. Voilà. On va découvrir ce morceau et on reviendra juste après pour la suite de l'émission. Le bonheur dans la mort et la peur. Perce un cri déchirant d'un enfant innocent, d'une femme abusée, d'un peuple abandonné. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Égaré quelques mers sur un bout de terre, sous le soleil bien doré, montre le corps affamé. Endormis dans leurs bras, le lendemain sans voix. Des doigts aussi frêles qu'un chapelet de double peine. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Dans l'isolement du soir, les âmes dérisoires, les yeux vagabondes, étrangers même dans leur monde. Chaque arrivée de métro, comme une lame de cristaux fend nos lèvres séchées, où est la voie destinée? Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Il y a quelques ombres guettant la nuit sombre, pour poser quelques bombes, pour fleurir quelques tombes. Ils ont construit des idées pour détruire leur cité, pour bâtir la violence dans le cœur de ses enfants. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Prise de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie de Caprice de lecture, toujours avec Les murmures des frangipaniers, donc écrit par Nguyen Tran, qui nous fait partager également sa passion de la musique, puisque le morceau que vous venez d'entendre est de sa composition. Nguyen, est-ce que tout va bien ? Ah ben je vais très très bien, je suis très bien reçu ici, en fait, c'est parfait. C'est gentil. Est-ce qu'on continue donc cette interview ? Absolument. Alors, Nguyen, j'avais envie aussi un petit peu de parler de l'aspect professionnel, donc, on va dire de l'écrivain et compositeur. Vous êtes également enseignant-chercheur et professeur de médecine à Nancy, cofondateur et co-directeur de l'école de chirurgie. Vos parents, vos patients ou confrères, non pas vos parents, j'ai ma langue à fourcher, ils disent quoi ? Est-ce que certains ont découvert votre roman ? Est-ce que certains vous en parlent ? Comment ça se passe ? Quand vous avez commencé à dire que vous aviez écrit ce roman, que vous aviez composé une musique autour, voilà, moi ça m'intrigue quand même. J'ai un peu de tout. J'ai mes amis proches, oui, du domaine médical, qui me connaissaient depuis longtemps, et ouais, mes sensibilités. Oui. Ils trouvaient ça très bien. Et, parce que je les cassais parfois les oreilles avec la musique, parce que dans mon bureau, j'ai... J'ai mis une guitare et un ampli, et de temps en temps, ils savent. Et puis, ils savent que j'écris un petit peu de temps à autre, etc. Voilà. Et puis d'autres, surpris, bien entendu, parce que, voilà, comme vous dites, on a toujours une étiquette, quelque part. On n'imagine pas. Voilà, c'est ça. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire, d'une part parce que dans mon livre, je décris ainsi, je dis l'amour absolu nous permet de faire tout ça. C'est-à-dire que cette énergie transmutationnelle, transformatrice, va nous pousser à dépasser toutes les frontières. Ouais. Et j'aime cette idée-là, j'aime cette idée d'être guidé par une espèce de muse silencieuse qui va nous dire que rien n'est impossible et on peut tout faire. Et vous savez déjà, c'est pas très révolutionnaire ce que je dis là. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes, des femmes qui ont pu accomplir des choses fantastiques grâce à l'amour. Et je pense que c'est une façon aussi pour moi d'honorer toute cette attention que les gens, ouais, m'ont donnée quand j'étais jeune, etc., l'accompagnement, et que les gens me disaient, oui, tu écris bien, il faut écrire, c'est bien de faire la musique, il faut le faire. Donc j'ai eu une espèce d'amour, de façon, oui, générale, des gens autour de moi qui me poussaient vraiment à faire ce que j'avais envie de faire. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est toute cette bienveillance autour de vous. Tous ces gens qui disent, mais vas-y, vas-y, à la limite, quelque part, c'est, on n'a rien à perdre, tout à gagner. Et je trouve ça aussi quand même de plus en plus rare, des gens qui encouragent pour encourager, vous voyez ? Il n'y a pas de contre-mesure ou de contrepoids où je t'encourage si tu fais ça pour moi. Là, c'est vraiment de la bienveillance pure et dure. Et donc, moi, je reste convaincue qu'on vous renvoie ce que vous vous donnez, l'amour absolu. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Oui, vous avez raison. Je crois qu'on est toujours le miroir de quelqu'un. Oui. Il faut donner déjà une image de bienveillance. Et là, on retrouve le retour. Oui. Toujours, je crois à ça. Ma vie de réfugié, d'enfant adopté en France, enfant de l'ADAS, j'ai appris ça. J'ai appris que quand vous êtes correct, quand vous êtes poli, que vous aimez les gens réellement, les gens vous accueillent formidablement. Oui. J'ai eu énormément d'amour quand j'étais enfant de la DAS, en Meuse, beaucoup de bienveillance autour de moi. C'est pour ça que vous avez raison. Oui, je crois encore, je crois toujours à ça, cette valeur de bienveillance. Et je crois qu'elle ne demande qu'à être divulguée. Amplifiée, oui, véhiculée, amplifié. Voilà. Il faut des vecteurs parfois, parce que la vie fait que maintenant... Il y a une espèce de fragmentation déjà des âmes. Les gens se rentrent dans les réseaux, oui. On parle de réseaux différents, ce qui fait qu'il y a une fragmentation d'envie. Et les gens ne se parlent plus vraiment. Oui, on utilise des mots qui ne sont pas les bons. On parle énormément, effectivement, je rejoins ce que vous dites, par réseau. Donc on utilise des mots par écrit qui n'ont absolument plus du tout le même impact que si on se les disait en face, avec une vraie conversation, le son de la voix, un échange, une vue. Ça me fait penser aussi à ce que vous disiez, tous les sens, l'appel à tous les sens, c'est exactement ça. Et c'est peut-être aussi pour ça justement qu'aujourd'hui, tous ces échanges, ces dialogues et cette bienveillance et l'amour absolu, effectivement, disparaît, j'espère pas, mais tend à disparaître parce que effectivement, on nous met dans des cases et puis on nous dit ben non, ça c'est pas bon pour toi, toi tu penses pas comme ça, donc tu es mis à part. C'est vraiment dommage parce que c'est la différence qui fait aussi qu'on grandit, on évolue et on peut apporter aussi autre chose. Oui, vous avez raison de souligner cet aspect de différence qui est très important pour moi, parce qu'avant, vous savez, ça, c'est une question aussi que j'ai mis quelques briefs de réponse dans mon livre. Avant, quand on me posait la question, qu'est-ce que c'est l'amour absolu ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Je pensais à l'époque que l'amour était une espèce de ciment qui relie les gens très différents, vous voyez, d'essence différente, dont le ciment permet de lier tout ça. Mais en réfléchissant bien, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de concevoir l'amour et la vie. Parce qu'on dépend toujours de quelque chose d'extérieur qui nous lie. Oui. Vous voyez, dans une société, les valeurs externes, qui vous permet de vous lier, c'est quoi ? Ben, vous avez toutes les valeurs verticales, le sens de la nation, Dieu, la foi, etc. Donc, c'est toutes les valeurs externes qui vous permettent de vous lier, avec lesquelles on se met ensemble. Mais si cette valeur disparaît, ah ben, on disparaît aussi. Les voilà. Gens, voilà. Et donc, dans le sens de ma réflexion, c'est que dans l'amour absolu, si chacun doit travailler sur soi-même, vous savez, dans le temps qu'on voyait des grandes bâtisses où les pierres étaient taillées tellement bien qu'il n'y avait même pas besoin de ciment. Oui, exact. Elles étaient posées l'une sur l'autre. Et voilà. Et l'idée que j'ai développée dans ce livre, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette espèce d'amour absolu, cette volonté de travailler sur soi, si chacun des protagonistes doit travailler sur lui. Eux-mêmes, à partir du moment donné, on n'a même plus besoin de ciment. Et on devient parfaitement jointif, et tout en gardant cette essence complètement différente des pierres par rapport à d'autres. C'est vrai. On va faire une deuxième coupure musicale, donc avec un morceau toujours de votre composition, qui s'appelle « Amour, amour ». Voilà, je vous donne là toutes les deux chansons en français de l'album. Très bien, donc on écoute et on revient juste après pour connaître un petit peu votre actualité littéraire et votre caprice de lecture. Mmh. femme sur son lit. Une fine pluie sous des joues arides. Tempête d'amour sur un corps si frêle. Suffisait de peu pour que ça se déchaîne. Femme. Son cœur est une porte qu'on condamne. Prise de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission de ce caprice de lecture autour de l'amour absolu, avec le livre de Nguyen Tran, Les murmures des frangipaniers. Nguyen, y aura-t-il un nouveau roman bientôt ? Alors, je suis en train, oui, de réfléchir sur une autre type d'écriture. D'accord. On sort un petit peu de du murmure des frangipaniers. Okay. Voilà, absolument. Dans un autre univers, en fait, j'ai toujours aimé l'univers un petit peu policier, de thriller. D'une part, parce que ça permet de pousser l'imagination le plus loin possible. Moi, c'est ma lecture de prédilection. Voilà. Alors, je me suis dit, enfin, c'est moi qui le dis ça, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je me dis, on peut dire des horreurs sans qu'on nous reproche à quoi que ce soit. Voilà. Donc, je me dis, tiens, c'est assez libérateur, finalement. C'est un peu défouloir, quoi. Voilà, dans des théories un petit peu farfelues, mais c'est l'écriture, et puis on va pouvoir dire vraiment beaucoup de choses. Non, en fait, donc, on peut tout imaginer. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de limite. Et voilà. Ça, c'est super. Et ça, je trouve ça intéressant. Ah oui. Avec vous. Ouais, je suis très, très d'accord avec vous. C'est vrai. Donc, on serait plutôt sur un style policier. Oui. OK. On sait quand ou pas? En fait, je pouvais le finir rapidement, mais j'aime bien aussi, vous savez, donner du temps. Oui. Je trouve que le murmure de frangipanier n'est pas encore totalement terminé, okay. Parce que j'ai encore l'accompagnement, je vais l'accompagner aussi également parce que le livre a été accepté également pour cette fois-ci dans un circuit officiel au Vietnam, en Asie. Super. J'ai eu la bonne nouvelle récemment et donc je suis en train de avec toutes mes amies, oui. de comment enregistrer les chansons en vietnamien. Et puis la version anglaise, elle vient d'être finie. Donc voilà. Donc oui, il y a encore un travail de traduction, voilà, un petit peu de musical et tout, voilà, ça. Okay, et puis d'accompagnement. Oui, je comprends. Voilà, ça permet aussi, vous voyez, de donner le maximum. C'est un bel aboutissement pour ce, et puis, ce oui, roman. C'est voilà. Chouette. C'est vraiment chouette. Okay. Oui, j'aime bien. Et puis l'odeur des frangipaniers, c'est fantastique. Oui, et puis le titre est tellement poétique. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, comme le veut la tradition de cette émission, l'invité nous présente son caprice de lecture. Alors, j'en ai plusieurs, mais vraiment le dernier qui m'a vraiment marqué, et j'ai lu et relu beaucoup, c'est Murakami. Oui. Murakami avec son... Son dernier roman ressort. Qui est sorti non, cette pas année tout à fait. C'est pas tout à fait. C'est L'Oiseau ressort qu'il a sorti oui. Depuis quelques temps et puis que j'ai relu. Et c'est très particulier parce que maintenant que j'ai écrit Les murmures de frangipanier, j'ai trouvé qu'il y a quelques similitudes très intéressantes avec... Ne m'en voulez pas, je n'ai pas de prétention de dire que j'ai le même succès et qualité d'écriture que Murakami, mais en fait, je retrouve dans sa vision sur l'amour quelque chose d'assez intéressant. Oui. C'est-à-dire une espèce d'amour silencieuse, hein, comme ce que j'ai écrit dans le livre. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a cette volonté assez de se retourner vers soi-même, hein, comme Murakami, oui. Dans son livre, qui décrivait le personnage principal qui est à la recherche de sa femme qui a disparu, de descendre dans un puits. Oui. C'est très symbolique, hein, de descendre au fond de soi-même et puis d'aller chercher vraiment le sens de l'amour. Il y a quelque chose un peu différent quand même. Dans mon livre, je décris de l'amour, c'est comme une espèce de lumière qui fait reculer l'ombre. Alors que Murakami, c'est un tout petit peu différent. Lui, il veut peindre l'ombre avec des murmures de l'amour. C'est pas du tout la D'accord. même chose. Alors que je voulais reculer l'ombre. Lui, il voulait tout simplement peupler l'ombre de son univers, de l'amour, faire parler de tout ça. Et c'est un univers très onirique que j'aime beaucoup, cette façon de voir la vie avec douceur. Hein, j'aime toujours cette écriture japonaise qui sont toujours très doux, très décalés avec la réalité. Ouais. Et puis dans un style, moi j'aime beaucoup parce que c'est très épuré. Oui. Et donc ça laisse beaucoup la place à l'imagination et ça laisse la place aux sensations, un peu les deux. Et j'aime bien toutes ces écritures un peu épurées parce que en fait il suffit de, c'est pas la peine de mettre plein de fioritures autour d'un texte, il suffit juste de faire passer des sensations au lecteur. Enfin voilà. Murakami, j'aime beaucoup pour ça, quelques autres aussi, parce que ce type de littérature me convient bien, même si je suis une accro des policiers thrillers, j'ai hâte de découvrir bientôt votre roman. Vous voyez, par contraste, j'aime bien et je trouve ça très reposant, et pour l'esprit, et pour le vocabulaire employé aussi. Quelquefois, Oui, c'est un effort, vous avez raison. J'aime beaucoup. Un style épuré, mais en même temps... Il faut beaucoup d'écriture pour arriver à ce, ouais. De talent d'écriture pour arriver à ça. Et ça demande aussi beaucoup d'efforts de culture. Hein. Ouais. Il faut beaucoup lire pour arriver à choper et à aimer vraiment son univers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, il est très clivant. Oui. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on prononce son nom, qui disent « Ah non, moi je déteste, c'est pas possible », et d'autres qui disent « Ah mais j'adore, j'attends le prochain ». Il n'y a pas de « j'aime bien », c'est vraiment extrêmement clivant en fait. Mmh. Et c'est intéressant, moi j'aime beaucoup les choses, les personnages ou les romans qui sont très clivants, parce que derrière il y a quelque chose que certains ne captent pas. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et même dans l'exercice justement d'écrire d'utiliser une écriture comme celle-là, c'est vraiment d'employer les mots dans leur sens vraiment la source même du sens. Oui. Voilà. Et il n'y a pas forcément de figure de style non plus, oui, à rallonge. Absolument. Et je trouve ça... Bon, bref, c'était ma petite remarque, parce que j'aime bien ce type aussi de littérature. Oui, oui, surtout, il y a une démarche que j'aime beaucoup dans ce genre d'écriture, comme vous dites. Hein. À un moment donné, on s'assoit, et puis en fait, en filigrane, une fois qu'on a compris ça, on apprécie quand on apprécie l'impermanence. On apprécie le présent. Il y a une espèce d'éthique du présent. Oui. Qui est dans le livre. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend que dans la vie, à un moment donné, il faut avoir une éthique de présent, aimer le présent tel qu'il est. Et Murakami décrit très, très bien ça. Mais en fait, il ne décrit pas, il évoque très, très bien ça pour que les gens comprennent à un moment donné, à la recherche de superflu, toute la vérité, elle découle du moment présent. Et à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup mieux le sens de la vie et le sens pourquoi on devait continuer à aimer, à vivre. Je trouve ça formidable. Très bien, merci beaucoup. Ce fut un vrai régal de vous recevoir, Nguyen Tran, donc pour votre roman « Les murmures des frangipaniers ». Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Sarah. C'était très agréable. Merci beaucoup. À toute l'équipe. Merci. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes de Caprices de lecture. À bientôt. Au revoir. Merci.